bonjour, misé. Je dis assez un bonjour. M'en vint demander ta mission pour faire fiasse de sortir. Nous connaître depuis longtemps. C'est pour ça m'en vint demander la permission pour m'en faire ça faire Marilyn sortir. C'est pas pourtant nous, si bon Dieu fait nous aimer nous.